La science CQFD, Natacha Triou. Les travaux de construction de l'autoroute A69 Toulouse-Castres dans le Tarn ont commencé. Quelles sont les conséquences environnementales de l'artificialisation des sols ? Depuis 1981, les terres artificialisées sont passées de 3 à 5 millions d'hectares, soit une croissance de plus de 70%. C'est 4 fois plus rapide que celle de la population. Selon le GIEC, l'extension urbaine et les constructions en périphérie des villes sont aujourd'hui l'une des causes premières du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Le sol reste très méconnu du grand public, peu médiatisé. Il est pourtant d'une importance fondamentale dans le fonctionnement de l'environnement, d'autant plus qu'il n'est pas une ressource renouvelable. Artificialisation des sols, laisse béton. Isabelle Cousin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE et vous travaillez à l'unité de recherche Info et Sol à Orléans. Béatrice Bécher, bonjour. Bonjour. Vous êtes microbiologiste vous êtes chercheuse à l'université Gustave Eiffel dans les laboratoires Eau et Environnement, directrice de la Fédération de Recherche IRSTV au CNRS. Et nous avons été rejoints par Marc-André Sellos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes microbiologiste spécialisé champignons des sols, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et président de la Fondation BioG. Merci à vous trois d'être avec nous en direct des studios de France Culture et merci à vous qui nous écoutez. En complément d'écoute, on vous propose un live tweet sur Twitter pour retrouver toutes nos sources, toutes les études citées durant cette discussion. C'est sur notre fil @sciencesqfd. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de la santé des sols et de leurs services écosystémiques, de comment un sol artificialisé, une fois bétonné, va avoir un impact négatif sur le changement climatique. Et est-ce qu'il est possible de désartificialiser un sol ? On commence avec ce projet très controversé de l'autoroute A69 qui irait à l'encontre des engagements pris récemment par le gouvernement d'une zéro artificialisation nette. Focus sur l'A69, une voie rapide qui divise les Tarnais. Gagner 20 minutes entre Toulouse et Castres grâce à l'autoroute. Une ambition vieille de 20 ans portée par Pierre Fabre, l'un des entrepreneurs historiques de la région. Depuis, le chantier a été classé priorité nationale par l'État. Le tracé est arrêté, du bitume couvrira bientôt ses terres agricoles, ici. À droite, 53 km d'autoroute à seulement quelques dizaines de mètres de la Nationale 126, une route qui n'est pourtant jamais saturée. Merci de nous recevoir. Mais pour le préfet du Tarn, qui a donné son feu vert au lancement des travaux, l'A69 est essentielle pour désenclaver le sud du département. Vous avez des gens du textile et qui ont besoin tout simplement de cette autoroute pour confirmer leur attachement au Tarn. Attachés à leur département, ces militants le sont aussi, mais différemment. Ce matin-là, ils sont une trentaine à interrompre ce chantier d'abattage d'arbres. La raison de leur colère, l'autoroute A69, une aberration écologique, selon eux. Le GIEC dit qu'il faut réduire les gaz à effet de serre. Est-ce que c'est l'heure de construire une autoroute ? Il y a une route nationale qui fonctionne, qui est fonctionnelle. Pourquoi on va la doubler par 55 km de route alors qu'il y a tout ce qu'il faut ? Pour ses détracteurs, le chantier de l'A69 est un désastre environnemental. Là, on voit qu'il y a un petit fossé, donc là, il y a des batraciens. 300 hectares de terre bitumée, des centaines d'arbres abattus et des nappes phréatiques pour partie asséchées. Ça serait tout à l'honneur des politiques de dire on s'est trompé, c'est pas grave, on a le droit de revenir en arrière en fait et de faire tout autrement. Voilà Marc-André Sellos, une réaction à cet extrait sonore. Ben oui, c'est vrai que c'est paradoxal de voir l'État français qui fait voter une loi zéro artificialisation nette et qui, d'un autre côté, continue d'artificialiser. Mais bon, d'une part, cette loi, elle est censée s'appliquer en 2050. Donc, en gros, c'est une façon d'ennuyer nos enfants sans trop être ennuyés nous-mêmes. Et d'autre part, je crois savoir que les infrastructures d'intérêt national en sont exclues. Donc, au fond, même cette loi n'empêcherait pas la 69. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème si l'État n'est pas exemplaire dans l'application de la loi ou surtout dans le respect de l'esprit de la loi qui est de conserver des surfaces à l'agriculture et à l'alimentation humaine. Il faut dire aussi, il faut ajouter que le Conseil national de la protection de la nature, qui est rattaché au ministère de la Transition écologique, a étudié le dossier et son avis est défavorable. Vous aussi, Béatrice Bécher, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, ben ce type de grands projets, en effet, ça serait vraiment très bien si on pouvait les reconsidérer. Hein. Moi, je citerai aussi l'exemple de l'aéroport qu'on devait avoir entre Nantes et Rennes, hein, un projet qui était très ancien et du coup, il a été revisité. Les citoyens, la population a pu s'exprimer et donc le projet a été arrêté. Donc vraiment, je pense qu'on peut... avec les connaissances qu'on a et la loi, essayer aussi d'aller dans ce sens-là, de revisiter en fait les projets au regard des nouvelles contraintes qu'on a, notamment environnementales. Isabelle Cousin, réaction vous aussi à cette archive? Oui, la loi climat et résilience de 2021, effectivement, elle propose le zéro artificialisation net pour 2050, mais elle a également un objectif de réduction de moitié du rythme d'artificialisation entre 2021 et 2031. Donc là, c'est sûr que si dès 2023, on s'engage à faire une proposition de ce genre, on voit pas bien comment on va pouvoir atteindre cette réduction de moitié. Et puis, la loi... Le zéro artificialisation net, ça ne veut pas dire ne pas artificialiser, ça veut dire équilibrer artificialisation et renaturation. Et là, moi, je ne connais pas la situation de cette région Toulouse-Castres, mais cela dit, s'il y a déjà une route, on n'imagine pas comment on va pouvoir trouver des espaces de renaturation pour remplacer l'autoroute. Renaturation, une des questions qu'on posera dans cette émission, hein, c'est pourra-t-on récupérer ces sols? Ces grands projets, hein, ça pose la question de l'aménagement du territoire. On peut peut-être faire un état des lieux, Marc-André Sellos, hein, de à quel point l'artificialisation des sols est répandue en France? Alors, elle est répandue et surtout, elle croît plus vite que la démographie, ce qui montre bien que chacun d'entre nous est finalement, éventuellement par procuration, avide d'utilisation du sol pour des fins, je dirais, non forestières et non agricoles. Depuis les années 70, d'après les sociétés d'acquisition foncière et d'économie rurale, on a, en 50 ans, perdu 10% de la surface agricole. Ça représente la surface de PACA qui a été artificialisée. Et comme les villes sont installées au milieu de plaines productives, hein, des produits à manger, bien sûr, pensez à Paris, pensez à Bordeaux, en gros, c'est plus de 10% de notre capacité à produire qu'on a perdu parce que c'est les sols parmi les plus riches qu'on a enfouis. Enfouis sous du béton, enfouis sous du bitume. Le problème, si vous voulez, c'est que la vitesse aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de terrains de foot par jour. Et la question qu'on se pose, à une heure où les centres-villes, bon, on reviendra peut-être sur les solutions, hein, mais où les centres-villes se désertent, est-ce que vraiment on a besoin de faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas collectivement penser à un autre mode de développement ou un autre mode d'activité économique qui ne repose pas sur des zones industrielles ou des banlieues pavillonnaires? Est-ce qu'on peut penser à une densification sans excès de l'habitat? Est-ce qu'on est vraiment obligé de supprimer la surface agricole parce que c'est de l'alimentation? Et selon un rapport du Sénat en 2021, en France, entre 20 000 et 30 000 hectares sont artificialisés chaque année. Béatrice Béchet, on est un des pays qui artificialise le plus? Alors, au niveau européen, en fait, on se situe dans la moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer là-dessus, mais on n'est pas parmi les moins ou les plus. Par contre, ce qu'on a, le constat en fait au niveau du territoire, c'est qu'on a une très forte disparité de l'artificialisation des sols, avec des taux qui sont très élevés et qui continuent à croître. Par exemple, sur les zones littorales. Et c'est là qu'on a une alerte particulière à avoir vis-à-vis notamment des impacts des changements climatiques. Et puis, on a des territoires où, là, eh bien, la population diminue. Et donc, on se retrouve avec des zones moins denses en termes de population, mais qui ont été autrefois artificialisées. Donc, on a des questionnements qui sont divers au niveau de nos territoires. Isabelle Cousin, sur cet état des lieux de l'artificialisation des sols français. Ben, c'est-à-dire que le problème de l'artificialisation, c'est que ça ne va pas permettre au sol d'exprimer toutes les fonctions qu'il est capable de produire. Donc, le sol, bien sûr, on marche dessus, on construit dessus. Donc, ça a déjà cette fonction de supporter des activités humaines. Et donc, construire des routes, construire des autoroutes, c'est une de ses fonctions. Mais le sol, ça remplit également des fonctions dites écologiques. Ça permet, donc on l'a déjà dit, ça permet de faire croître de la biomasse végétale. Donc ça permet la production végétale, ça permet la production animale. Le sol, c'est aussi une sorte d'éponge, donc il va servir de réceptacle à l'eau. Il va redonner de l'eau aux aquifères, il va redonner de l'eau aux plantes. Donc il a cette fonction de stockage et de restitution de l'eau. Le sol, c'est aussi un espace où on a de la transformation, de l'évolution physico-chimique. Et donc, le sol, eh bien, il va transformer des contaminants, par exemple. Il va aussi transformer des nutriments, les rendre accessibles aux plantes. Et donc, voilà, quand on artificialise, eh bien, on est en train, quelque part, de supprimer ces fonctions écologiques que remplissent les sols. Comme vous dites, le sol est très complexe, avec de nombreux rôles et donc de nombreux fonctionnements. Avant d'expliquer ce qu'il se passe une fois qu'un sol est imperméabilisé, Marc-André Sellos, on peut continuer et poursuivre, raconter comment se composent les sols, leur fonctionnement. Oui, oui. Bah alors les sols, c'est quoi? C'est de la matière organique morte mélangée à des petits morceaux de roche et à un peu d'air. Et tout ça, c'est en train de servir de ressources à tout un tas d'êtres vivants microscopiques, des bactéries, des champignons. Il y a des animaux aussi. L'azote de l'air est petit à petit en train d'être transformé. Alors, le processus est long, mais ça devient de l'azote qui est utilisable par les plantes, du nitrate, de l'ammonium. Les roches sont petit à petit dégradées, notamment sous l'effet des microbes, et ça libère du phosphate, du fer, du bore, du manganèse, du magnésium, du potassium, tout ce qu'on peut vouloir. La matière organique est lentement décomposée et ça recycle de l'azote, du phosphate et des choses comme ça. Donc c'est, en fait, le sol, c'est une gigantesque usine à transformer ce qu'il compose, de l'air, des petits morceaux de roche, de la matière organique, en fertilité. Et puis une chose, c'est que quand même, tout se décompose pas immédiatement, tout disparaît pas immédiatement. Et la matière organique qui est stockée dans le sol et qui, en fait, va être très très lentement transformée, eh bien c'est autant de CO2 qui n'est pas dans l'atmosphère. Et une des fonctions très importantes du sol, c'est d'être un puits de carbone. Et aujourd'hui, on a des pratiques agricoles ou des pratiques d'artificialisation qui font qu'il n'y a plus de matière organique qui soit stable dans le sol, il en rentre beaucoup moins, et du coup, le sol stocke moins de carbone, donc il opère moins son rôle de régulateur du climat qu'on pourrait souhaiter par rapport justement à la tendance actuelle. Béatrice Bécher, en effet, c'est une des grandes fonctions du sol, le stockage du carbone. Oui, oui, oui, tout à fait. C'est une des grandes préoccupations actuelles, évidemment, des communautés scientifiques, avec une mobilisation nationale, bien sûr, s'ils considèrent la France, mais internationale, très très forte depuis plusieurs années, avec notamment le mouvement 4 pour 1000, hein, qui s'adresse au milieu agricole en priorité, pour essayer de développer des solutions pour augmenter le stockage, la séquestration du carbone et lutter ainsi contre, ou diminuer ainsi, les concentrations en CO2 au niveau de l'atmosphère. Isabelle Cousin, comment, pour poursuivre, comment est censé fonctionner un sol sain, en bonne santé? Alors, un sol sain, c'est un sol qui va être en capacité de remplir les fonctions écologiques dont nous avons parlé tout à l'heure, et surtout qui va être capacité de les réaliser sur le long terme. C'est ça qu'on appelle un sol en bonne santé, puisqu'on applique aussi le concept de santé au sol. Et donc, le sol en bonne santé, c'est le sol qui, au cours du temps, quelle que soit l'occupation du sol et les pratiques qu'on va y appliquer, eh bien, va être en capacité de maintenir les fonctions qu'il réalise. Alors, le sol en bonne santé, ce qui est un petit peu particulier, c'est que les sols, ils sont en capacité de rendre un certain nombre de fonctions, mais pas tous au même moment, et surtout ils n'ont pas les mêmes potentiels. On peut tout à fait imaginer que, par exemple, on regarde un sol en pente, très caillouteux, très limoneux, on se dit oh là là, ça va pas être terrible, alors qu'à côté on peut voir une belle prairie. Bah, cependant, si on est par exemple un viticulteur, on est tout à fait content des capacités de ce qu'on appelle la qualité de ce sol caillouteux, pentu, limoneux. Et donc, un sol en bonne santé, c'est un sol qui est en capacité de remplir les fonctions qui ne sont pas tout le temps les mêmes et qui sont spécifiques de l'endroit où ils se situent. Ce qui est important aussi de préciser tout de suite et de comprendre, hein, c'est que le sol, ce n'est pas une ressource renouvelable, Isabelle Cousin. Ah oui, alors le sol, ce n'est pas une ressource renouvelable du tout. Déjà, le sol, il a une vitesse de formation très lente. Donc, alors il y a plein de chiffres, mais on va dire de l'ordre de peu près entre 1 et 1 cm, 1 mm et 1 cm par siècle. Mais surtout, le sol, il subit de très nombreuses menaces liées aux activités humaines. Donc, outre l'artificialisation, puisque là, dans quelque part, quand on imperméabilise le sol, eh bien, on l'empêche de remplir ses fonctions écologiques, mais on a d'autres menaces qui pèsent sur les sols. Donc, le tassement des sols, par exemple, quand des engins agricoles ou forestiers trop lourds circulent sur les sols dans de mauvaises conditions. L'érosion, c'est considéré par la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, comme la première menace qui pèse sur les sols, puisque quand le sol s'érode, eh bien c'est pareil, on perd les particules et un sol s'érode 10 fois plus vite qu'il ne se fabrique. Donc limiter l'érosion des sols, c'est vraiment un enjeu majeur. Alors, un certain nombre d'autres menaces concernent les sols, la contamination, la salinisation. Peut-être on en reparlera tout à l'heure. Marc-André Cello, sur l'érosion des sols, pardon. Alors justement, c'est là qu'on voit qu'il y a quelques gestes qui sont des solutions multiples. Une des raisons pour lesquelles l'érosion est augmentée, outre la pratique excessive du labour, c'est que le fait de plus amener de fumier et de l'avoir remplacé par des engrais minéraux, et le fait d'aérer le sol par le labour, et aussi le fait de le laisser nu en hiver, ça diminue la quantité de matière organique et amener de la matière organique, ça va non seulement être une façon, alors ça va amener du fumier ou faire des cultures en hiver, alors que nous on laisse le sol brun, ça va non seulement permettre de stocker du carbone, mais ça va redonner de la cohésion au sol, donc limiter l'érosion, et aussi, chose très importante sur cette matière organique, elle va stocker de l'eau, parce que la matière organique, ça fait partie des choses qui fait que le sol retient de l'eau. Plus il y a de matière organique, plus il y a de rétention d'eau. Et je note d'ailleurs, avec un peu de dépit, que dans le plan eau du gouvernement, on voit rien sur cette histoire de gérer la quantité de matière organique dans les sols. Or, c'est une solution multiple. Puis, je dirais une toute petite dernière chose, c'est qu'un sol en bonne santé, on peut le voir autrement, c'est un sol qui fait la santé de l'homme. C'est un sol qui ne contient pas de polluants et donc l'eau qui en sort sera une eau que l'on peut boire sans avoir à l'épurer. Les produits qui en sortent ne sont pas contaminés par des métaux lourds ou des polluants ou des pesticides, donc on peut les consommer. Et puis, c'est un sol qui régule le climat et puis c'est un sol qui produit de l'alimentation. La santé du sol, c'est la santé de l'homme. C'est pour ça que ça nous concerne en tout premier lieu. Vous l'avez dit, les menaces qui pèsent sur les sols sont multiples, entre artificialisation, érosion, contamination, salinisation. Quelles sont les conséquences de l'artificialisation et surtout de l'imperméabilisation des sols? On répond à cette question dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h18 sur France Culture. Pourquoi doit-on limiter le bétonnage du territoire? C'est la question que nous posons à Isabelle Cousin, Marc-André Cellos, Béatrice Bécher. Nous venons de voir que les sols sont des espaces de régulation des flux d'eau, qu'ils limitent l'érosion et qu'ils tiennent un rôle dans la régulation du climat par son stockage de carbone. On vient donc de parler des fonctions des sols naturels et des services écosystémiques. Maintenant, il faut préciser ce qui se passe pour un sol artificialisé. Béatrice Bécher, qu'est-ce qu'un sol artificialisé déjà? Qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre différents. On parle de différents types d'artificialisation. Oui, tout à fait. Derrière ce vocable, il y a beaucoup de choses. On a parlé tout à l'heure des fonctions de sol sain. Donc, en fait, un sol artificialisé, c'est un sol qui a perdu tout ou partie de ses fonctions que viennent d'évoquer Isabelle et Marc-André. La première perte de fonction, c'est la modification du cycle de l'eau. Donc les processus d'imperméabilisation des sols qui vont empêcher l'eau de pénétrer dans le sol. Donc cette eau ne va plus être stockée dans le sol, donc notamment au travers la matière organique. Et on va donc limiter ou diminuer très fortement les processus d'évaporation, d'évapotranspiration par la végétation, mais aussi le processus de transfert de l'eau en profondeur, donc pour réalimenter les nappes phréatiques qui vont servir de lieu de puisage, entre autres, pour la production d'eau potable. Donc on a un vrai rôle du sol en tant qu'interface au sein du cycle de l'eau, et ça c'est indispensable à maintenir, et il faut vraiment pour ça donc diminuer l'imperméabilisation ou désimperméabiliser. Ce sont les nouveaux les nouvelles solutions donc proposées, rendre le contact entre renouveler le contact entre le sol et l'atmosphère pour que l'eau puisse reprendre son cycle. Isabelle Cousin, pour poursuivre sur comment une artificialisation impacte le cycle de l'eau à différents niveaux. Oui, alors Béatrice l'a bien exprimé. Le sol, c'est comme une sorte d'éponge. Donc c'est un réservoir. Il est en capacité de recevoir l'eau de pluie. Et puis une partie de cette eau de pluie, elle va être restituée aux plantes. Elle va être transpirée par les plantes pour leur production de biomasse ou elle va être évaporée. Et puis c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'eau verte, ce que les hydrologues appellent l'eau verte. Et puis une partie, Béatrice l'a dit également, va s'infiltrer à la base du sol et puis va rejoindre les aquifères profonds ou les rivières. C'est ce qu'on appelle l'eau bleue. Alors quand le sol est complètement imperméabilisé, l'eau juste ne peut pas rentrer dans le sol. Donc elle circule à la surface. Alors il y a des conséquences qu'on connaît bien dans les villes d'engorgement, éventuellement d'inondation. Et donc ça veut pas dire que les villes ne sont pas en capacité de ne pas maintenir le cycle de l'eau. Il faut imaginer des espaces imperméabilisé localement, mais avec des espaces de sol, entre guillemets, naturels, qui perdurent, dans lesquels on va pouvoir imaginer que l'eau est présente. Et l'eau peut s'infiltrer, peut ensuite de nouveau réaliser son cycle. Marc-André Sellos. Alors, dans l'artificialisation, il y a le problème qu'effectivement les sols ne boivent plus, mais aussi qu'ils ne mangent plus. D'abord parce qu'il n'y a plus de végétaux en surface, souvent c'est remplacé par du bitume ou du béton, mais aussi, finalement, il n'y a plus d'apport. C'est-à-dire pour ça que ces surfaces, si jamais il y a quelques arbres, on est obligé de ratisser. Parce qu'il ne s'opère plus ce processus naturel qui est l'incorporation de la matière morte dans le sol et son évolution en des formes qui sont importantes pour le stockage de l'eau d'une part, et d'autre part qui vont être lentement, en alimentant la vie du sol, transformées en fertilité. Donc souvent les sols artificialisés sont des sols qui n'ont plus de rôle de puits de carbone et qui ne sont plus vivants. C'est pas qu'ils sont complètement morts, il reste quelques bactéries qui fonctionnent de réactions variées, souvent de réactions minérales, mais ça reste très marginal et très très peu vivant, et on a perdu complètement le stockage de carbone. Donc on interrompt aussi, quand on artificialise, l'alimentation organique du sol en interrompant le flux de déchets qui arrive au sol et qui le nourrit d'habitude et qui lui permet à la vie qui se trouve dedans de fonctionner. Oui, Béatrice Béchin, c'est qu'il y a aussi donc un impact sur la fertilité des rivières et de l'eau qui est exportée. On a aussi, au niveau de l'eau, lorsqu'on imperméabilise, oui, tout à fait, on a une augmentation en fait des flux de polluants qui vont se déverser dans les cours d'eau. Donc ça, c'est un deuxième grand problème lié à l'imperméabilisation des sols. On a un premier problème donc qui a été cité, donc la question d'inondation, donc la quantité d'eau qui va être trop importante, et puis la qualité de l'eau qui, de par sa dégradation, va impacter les écosystèmes lors des rejets de ces eaux de ruissellement dans les milieux naturels. Donc ça, c'est vraiment une grande problématique qui est étudiée depuis de nombreuses années, avec d'abord les métaux traces qu'on va trouver dans les eaux de ruissellement, qui sont liées essentiellement au transport. L'hydrocarbures aussi qu'on va retrouver dans ces eaux, toujours liées aux activités de transport. Mais on a pu mettre aussi en évidence que les modes de chauffage influaient la qualité des eaux pluviales, les revêtements des habitations, par exemple, les matériaux qui vont permettre l'isolation des maisons, ce sont à l'étude actuellement, parce que ce sont des matériaux qui contiennent souvent des polluants organiques à faible dose, mais qui, de façon diffuse, peuvent impacter les écosystèmes. Isabelle Cousin. Oui, et puis le sol, alors là, Marc-André en parlerait mieux que moi, bien sûr. Le sol, on l'a peut-être pas encore beaucoup dit, c'est surtout un réservoir de biodiversité. Donc, des éléments, des micro-organismes, des animaux, des végétaux. On a beaucoup jusqu'à présent parlé de la plante, de la production végétale qui, bien sûr, alimente les animaux et ou l'homme. Mais imperméabiliser les sols, eh bien, c'est aussi faire disparaître toute cette vie à toutes les échelles et donc limiter. Alors, c'est un système qui s'auto-entretient, c'est-à-dire que plus la biodiversité est multiple, abondante et variée, et plus le sol est en capacité de remplir ses fonctions écologiques. Donc, imperméabiliser, c'est-à-dire faire diminuer à la fois les flux physiques, on en a parlé, de l'eau, des nutriments, mais c'est aussi faire diminuer ses capacités de vie biologiques. Et donc, voilà, on a un système qui se dégrade et qui s'auto-entretient dans la dégradation. Marc-André Sellos, en effet, sur ce réservoir de biodiversité. Oui, alors il faut comprendre que la vie dans les écosystèmes terrestres, elle est sous terre en fait. Déjà en biomasse, entre la moitié et les trois quarts de la masse vivante sont dans les sols, dans nos écosystèmes. C'est les racines des plantes, mais c'est aussi la vie microbienne. On compte en gros qu'il y a 5 tonnes de microbes à l'hectare, 5 tonnes de racines à l'hectare et 1,5 tonne d'animaux à l'hectare. Mais cette biodiversité, qui est faite d'un nombre colossal d'espèces, puisque le quart des espèces connues vivent dans le sol, c'est aussi une diversité de fonctions. Et c'est là qu'on voit que les problèmes qu'on a soulevés dans l'artificialisation, ils s'entretoisent. Par exemple, le problème de la pollution de l'eau de ruissellement par tout ce qu'elle entraîne en ruisselant parce qu'elle ne rentre plus dans le sol, souvent, si l'eau passe dans le sol, c'est réduit. C'est géré par le fait que les métaux, par exemple, vont se fixer sur des éléments du sol et ne pas aller plus loin, et surtout que toutes les pollutions organiques vont rencontrer des microbes qui les consomment. Et on retrouve donc ce rôle de filtration du sol qui améliore la qualité de l'eau qu'on a évoqué avant, et qui est lui-même en grande partie basé sur la biodiversité du sol, et que justement on perd quand on artificialise. Donc quelque part, cette biodiversité qu'il y a dans le sol, ce qui nous intéresse nous en termes de santé humaine et de qualité de l'environnement pour l'homme, c'est toutes les fonctions qu'elle a et qui font que le monde est monde, et que le monde cesse d'être le monde tel qu'il devrait être pour qu'on y vive bien quand il n'y a plus de sol. Oui, Béatrice Bécher, l'imperméabilisation est un enjeu fort. On a donc supprimé le rôle de filtre que constitue le sol. Alors, oui, on supprime ce rôle de filtre. Alors peut-être que je mettrai un petit bémol à ce qu'a dit Marie. Par rapport aux eaux pluviales, c'est vrai que là, les micro-organismes du sol peuvent jouer un rôle très important en termes de dégradation de certaines substances organiques. Métaux absorbés sur les faces du sol, on est d'accord. Par contre, dans les milieux urbanisés, fortement, on a des zones industrielles et artisanales qui concentrent énormément des polluants. Et là, en fait, le sol, même si on n'a pas d'imperméabilisation, il ne va plus pouvoir faire face à la pollution très importante, et donc on risque, là, des exemples de contamination des nappes phréatiques parce que le sol, du fait de l'intensité de nos activités industrielles ou artisanales, ne peut plus jouer ce rôle de filtre contribuer en fait à la dégradation, à la rétention des polluants. Donc ça, c'est une vraie problématique aussi dans les zones artificialisées qui sont essentiellement dans les zones urbanisées. Pour poursuivre sur ces impacts de l'artificialisation, lundi, l'artificialisation, on voit l'amplification des risques d'inondation, l'accélération de la perte de biodiversité. On n'a pas encore dit aussi cet autre aspect, Marc-André Sellos, c'est l'impact sur le réchauffement climatique. Un sol artificialisé n'absorbe plus le CO2, et pire, il peut en rejeter. Bah, oui, alors je ne sais pas s'il en rejette. Il en rejette au moment où il a été fabriqué, parce que souvent, il y a une fin de respiration de la matière organique qu'il y avait, et puis après, il n'y a plus rien. Donc, il cesse de stocker, c'est sûr. Et puis, il y a aussi un côté microclimatique. Quand l'eau rentre dans le sol, on l'a dit tout à l'heure, c'était très très clair avec cette notion d'eau verte, une grande partie de l'eau va ressortir par évaporation, et ça, en été, ça peut vous faire des îlots de fraîcheur. Là où nos villes et les zones artificialisées sont souvent, en fait, des îlots de chaleur. Alors ça change pas le climat à l'échelle globale, mais ça change la façon dont on peut vivre localement des étés un petit peu chauds. En fait, l'interruption de l'entrée de l'eau dans le sol, c'est aussi interrompre cette évaporation qui fait qu'il fait frais dans un parc, il fait frais sous un arbre. Et quelque part, il y a aussi cette idée que dans la façon de rendre nos villes vivables, restituer le maximum de surface ouverte quant au sol et donc le maximum de surface végétalisée, c'est des façons d'améliorer notre vie quand il fait chaud. Isabelle Cousin. Oui, l'eau verte là dont on a parlé tout à l'heure et dont Marc-André vient de reparler, quand il pleut, on se rend pas très bien compte, mais la quantité de pluie qui arrive sur un sol, eh bien 65% de cette quantité d'eau est évapotranspirée. Donc cette eau verte, c'est énorme. Donc comme Marc-André l'a expliqué, artificialiser en plus exactement imperméabiliser le sol, donc ne pas permettre au sol de jouer ce rôle de réceptacle, ça génère ces fameux îlots de chaleur contre lesquels, pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution. La solution, ça serait de désimperméabiliser et de renaturer pour redonner au sol ce rôle multiple, mais en particulier ce rôle d'accueil et de stockage de l'eau de pluie. Bien justement, quelles sont les solutions dont on dispose? Quelles sont les mesures politiques prises pour leur protection, et pouvons-nous réellement désartificialiser un sol? Restez avec nous. Attention, la pression, chape de béton, attention le plomb, trop, les pilons, c'est pas bon, attention le mur, c'est trop dur, dur, lourd, c'est trop fort, attention le fer, stop, c'est l'enfer, c'est trop dur, attention à la brûlure. Et le bruit, et le cri, et le son, attention le son, string, trombe, explosion, attention danger, la cloison, écrasée, chape d'acier, et les rayons, électricité, c'est pas bon, attention, accélération, c'est pas bon, assez, assez, assez, assez, assez, assez, assez, c'est bloqué, c'est bloqué. Les moteurs, la chaleur, attention à la brûlure, la cassure, c'est trop fort, c'est trop dur, c'est trop dur. Le mur, attention le mur, c'est l'enfer. Mathieu Bogarts à 16h33 sur France Culture, chape de béton. Car nous parlons des conséquences du bétonnage du territoire en compagnie de nos trois invités. Isabelle Cousin, directrice de recherche à l'INRAE. Marc-André Sellos, microbiologiste et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, président de la Fondation Biogé. Béatrice Bécher, chercheuse à l'Université Gustave Eiffel dans le laboratoire Eau et Environnement. Nous avons vu dans un premier temps que le sol comporte 25% de la biodiversité connue, 75% de la biomasse terrestre qui construit la fertilité du monde, régule le cours des rivières et le climat. Et nous avons vu aussi les impacts de l'artificialisation du sol. Alors, on l'a dit, hein, l'artificialisation est un processus qui va vite et qui nécessite un suivi aussi précis que possible de ces changements. En France, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, l'IGN, met en ce moment au point un outil d'intelligence artificielle qui va contribuer à améliorer ce suivi. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour le reportage du jour, vous vous êtes intéressé à ce nouvel outil. Oui, cet outil s'intègre dans un projet plus vaste qu'est l'occupation des sols à grande échelle, l'OCSGE, une base de données développée par l'IGN qui permettra d'ici 2024 d'obtenir un suivi de la consommation des espaces à l'échelle de chaque commune en France. Dans le cadre de ce projet, l'IGN développe un outil d'intelligence artificielle prédictive permettant d'accélérer le processus de traitement des images aériennes et ainsi d'obtenir un portrait aussi fidèle que possible de l'état de l'occupation des sols. Les explications nous viennent de Boris Vatrolos, qui est chef de projet pour l'occupation des sols à grande échelle à l'IGN, et Sébastien Giordano, qui est chargé de l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle pour cette OCSGE. L'occupation du sol à grande échelle existe depuis 2014 à l'IGN, et donc peut potentiellement permettre de calculer l'artificialisation des sols. Mais elle n'était pas sur l'ensemble du territoire. L'objectif, c'était d'avoir un outil qui pouvait faire de manière homogène calculer l'artificialisation des sols sur tous les territoires, au niveau régional et au niveau départemental. Et de manière très rapide, c'est-à-dire qu'on doit finaliser fin 2024, début 2025, l'occupation du sol à grande échelle pour pouvoir être en cohérence temporelle avec la réglementation. Si on doit poser les avantages d'un outil d'intelligence artificielle dans le cadre de cette mesure de l'occupation des sols et, in fine, de l'artificialisation, quels vont être les avantages a priori de ce type d'outil ? Le premier avantage, c'est la rapidité à laquelle ça peut se mettre en place, c'est-à-dire que ça nous permet de gagner du temps, puisque normalement ça se fait par photo-interprétation, alors que là, avec l'intelligence artificielle, ça nous permet de limiter le temps de photo-interprétation, c'est-à-dire que auparavant, on mettait 3 à 4 ans pour faire une occupation sur la grande échelle. Sur le département, aujourd'hui, on met entre 8 et 9 mois. Peut-être que je vais déjà décrire un peu comment l'occupation du sol à grande échelle est produite grâce à l'IA. En fait, l'IA, c'est qu'un outil pour produire l'occupation du sol à grande échelle. Il y a trois grandes étapes dans la création de l'occupation à grande échelle. Il y a une première étape qui est l'étape d'intelligence artificielle qui permet de détecter une grosse partie de la couverture. Il y a une deuxième étape, c'est des traitements géomatiques pour spécifier le produit. Et puis après, il y a une troisième étape qui est le passage obligé par l'être humain qui va aller vérifier et valider la donnée, puisque ni l'intelligence artificielle ni les traitements automatiques n'arrivent à 100% de bons résultats. Et donc là, c'est vraiment la partie intelligence artificielle qu'un de mes collègues va vous présenter. Je me déplace, je vais venir à vos côtés. Si on doit faire une démonstration en temps réel du fonctionnement de cet outil d'intelligence artificielle, on commencerait par quoi et qu'est-ce qui vous semble, vous, important de mentionner en premier lieu ? Alors déjà, je pense qu'il faudrait parler de la tâche, en fait, savoir ce que fait l'intelligence artificielle. Alors nous, en fait, on va travailler sur des méthodes qui s'appellent de segmentation sémantique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va classer des pixels d'images, en fait. Donc l'occupation du sol à grande échelle, c'est une base de données avec des objets qui ont une taille minimum de 500 m² ou 2000 m². Et on pourrait très bien avoir une intelligence artificielle qui essaye de classer ces objets, en fait, et donner une classe à ces objets. Donc ça, c'est le produit final. Mais ça, c'est très compliqué parce que les objets, ils ont des tailles variables. Du coup, l'intelligence artificielle, en gros, elle va s'intéresser directement aux images des prises de vue aériennes de l'IGN. Donc une image, elles sont de résolution 20 cm, c'est-à-dire que la taille d'un pixel sur le terrain fait 20 cm. Et le but de l'algorithme d'intelligence artificielle, donc de segmentation sémantique, c'est d'affecter une classe parmi 16 possibles à chaque pixel de 20 cm par 20 cm de toutes les prises aériennes de France. Une fois qu'on a défini la tâche, en fait, il faut déterminer des exemples, on va appeler ça des annotations, pour entraîner en fait, le modèle. Donc on a défini 2500 zones en France, en fait, de l'ordre de kilomètres carrés. En tout, on a 2500 km². Donc ça représente à peu près 250 000 imagettes de 512 par 512 pixels. Et sur ce réseau de zones, en fait, on a la solution, en fait, ce que doit prédire l'algorithme, en fait. Ça, c'est la notation. Et ce qui est très compliqué pour nous, pour les prises de vue aériennes de l'IGN, c'est que l'avion, en fait, on va mettre 3 ans pour faire la France, mais on vole quasiment qu'en printemps, en été, en fait. Donc on va avoir des prises de vue d'avril à octobre, novembre. Et des prises de vue du nord de la France, de montagne, de littoral, du sud. Et les objets auxquels on s'intéresse, ils sont variables sur ces prises de vue. Par exemple, le toit d'un bâtiment, il sera différent dans le sud de la France ou dans le nord de la France. On va s'intéresser par exemple à des cultures, donc par exemple un champ de maïs. Si la prise de vue est en avril, en juillet ou en octobre, il va avoir des apparences complètement différentes. Donc le gros challenge, en fait, c'est d'avoir un modèle d'intelligence artificielle qui généralise spatialement, c'est-à-dire partout en France, et temporellement, peu importe la date de prise de vue. Alors, si on doit faire une démonstration en temps réel de cette approche-là, est-ce que vous pourriez me décrire ce qu'on est en train de regarder en ce moment ? On peut regarder le résultat, en fait, de l'intelligence artificielle. Donc là, on va avoir en entrée, on va avoir donc des images aériennes de l'hygiène, donc le canal rouge vert bleu, mais on a aussi un autre canal qui est le canal infrarouge. Et on a aussi un cinquième canal qui correspond à l'élévation, c'est-à-dire donc un modèle de numérique de surface et le sursol, moins le modèle numérique du terrain. Et à partir de ces cinq dimensions, on a entraîné un modèle, en fait, et le modèle va nous prédire, pour chaque pixel, la probabilité d'appartenance à chacune des 16 classes. Donc là, c'est un espace plutôt périurbain, on est sur Tours Métropole, et on va avoir nos 16 classes ici, donc les bâtiments, les zones perméables, c'est-à-dire ces zones anthropisées qui ne sont pas imperméables, les zones imperméables comme les routes et les parkings, et les piscines, les sols nus, donc sans végétation, des surfaces d'eau, la neige, des classes concernant les arbres, feuillus, conifères, de la végétation basse comme les broussailles, les vignes, des surfaces herbacées, les cultures, et les cultures sans végétation et les serres. C'est à peu près nos classes. Mmh. Et du coup, on va pouvoir voir si, ici, si je prends sur ce bâtiment, donc, je me rends compte que l'algorithme-là est quasiment sûr que c'est du bâtiment. Donc, il avait 100% de probabilité à répartir entre les 16 classes. Il a quasiment mis les 100% sur la classe bâtiment, il est sûr que c'est du bâtiment. Sur ce pixel-là, en fait, il avait 100% de probabilité à répartir. Et il pense que c'est plutôt de la zone perméable à 134 sur 255. Je ne peux pas le convertir comme ça, 1%. Mais il a aussi hésité entre zone imperméable. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, une fois qu'on a entraîné l'algorithme sur nos zones, ensuite, on peut l'inférer, c'est-à-dire l'appliquer partout en France, dès qu'on a ce type de prise de vérité. Si on se projette, qui pourra avoir recours à cet outil-là? Comment il sera utilisé? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs produits. Il y a le produit occupation du sol à grande échelle, qui est quelque chose qui est produit et financé par le ministère en charge de l'écologie et qui va permettre de calculer l'artificialisation. Ça, c'est le produit final. Mais dans la production, la création de ce produit final, on a ce qu'on appelle le produit intermédiaire. C'est ce qu'on montre, c'est l'inférence, c'est-à-dire que c'est les cartes de prédiction ou les cartes de chaleur qu'on appelle cartes de prédiction et qui sont un produit intermédiaire. Ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que la précision au pixel, la détection au pixel, qui n'est pas le produit final occupation du sol à grande échelle, mais bien un outil pour aller faire l'occupation du sol à grande échelle. Voilà, et sachez que si vous voulez participer à un programme de sciences ouvertes, l'IGN propose une série de défis articulés autour de l'IA et des spécificités des données géographiques. On vous donne toutes les informations et les liens sur la page de l'émission, Natacha. Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. Béatrice Bécher, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Alors, c'est quelque chose... Le reportage, en fait, il est vraiment ciblé sur Lausanne, ce... dont les collectivités, les services techniques de l'État ont besoin pour mettre en application la loi ZAN. C'est vraiment une brique de base, cette OCSGE. Et donc, c'était vraiment très, très intéressant d'entendre ça. Et puis, donc, à remarquer, en effet, le niveau de définition hein, de cet outil qui va, en fait, permettre vraiment d'être précis, de bien localiser toutes les petites surfaces qui sont non imperméabilisées, les surfaces imperméabilisées, mais aussi pouvoir avoir une qualification des surfaces en termes de végétation. Donc ça, c'est vraiment un gros projet qui est soutenu par différents services de l'État et qui correspond vraiment à un besoin pour que on puisse vraiment avancer sur le ZAN, la mise en application du ZAN. Marc-André Cello, c'est une réaction, vous aussi, à ce qu'on vient d'entendre? Ouais, moi, je trouve ça passionnant. Et puis, c'est des outils qui permettent effectivement de travailler rapidement pour assister les outils légaux, je suis d'accord. Mais moi, je remarque quand même une chose, c'est que, quelque part, derrière la loi ZAN et dans ce qu'on a entendu, il y a une façon assez comptable d'approcher les choses et pas forcément une façon qualitative. Alors, j'entends bien que ce que je vais dire est plus difficile à mettre en œuvre qu'à dire. Hein, mais à un moment, ce qui compte, ce sont les services écologiques. On dit souvent un service écosystémique rendu. Et un sol n'est pas un autre sol. Et dans les équations d'artificialisation, on voudrait que soit moins pris en compte la surface, mais réellement les effets sur l'environnement, par exemple sur le climat ou sur l'eau. Et il peut y avoir il y a des sols, par exemple, qui stockeront jamais de carbone, des sols très sableux. Bon, ça ne stocke pas beaucoup de carbone, ça. Et donc ça n'a pas beaucoup de fonctions climatiques. D'un autre côté, dans un environnement où une fonction n'est pas remplie du tout, un sol peut brutalement, même s'il n'est pas très bon pour stocker l'eau par exemple, il peut brutalement devenir très important parce qu'il est entouré de sols qui ne le font plus ou pas. Et donc, il y a ce côté qualitatif des sols qu'il va falloir arriver à implémenter. Mais c'est déjà un pas énorme. Je ne voudrais pas avoir l'air d'être appréciatif sur cet outil. Je dis juste que demain, il faudra aller plus loin sur les services rendus par les sols dans l'équation de l'artificialisation et de la désertification, avec peut-être d'ailleurs le fait qu'on s'apercevra que zéro artificialisation nette, bien souvent c'est zéro artificialisation brute, hélas, dans beaucoup de cas. Enfin, hélas, pour ceux qui utilisent les zones artificialisées. On va revenir ça tout de suite sur cette notion de net et brut qui interpelle, mais je voudrais votre réaction, vous aussi, Isabelle Cousin, à ce qu'on vient d'entendre. Oui, alors tout à fait passionnant de voir que l'intelligence artificielle se met au service du ZAN. Moi, comme Béatrice, je suis frappée par la résolution. Les personnes dans l'interview ont parlé d'un pixel de 20 cm de côté. Alors ça, c'est assez remarquable parce que quand on s'intéresse en général à la question de l'artificialisation et du zéro artificialisation net, eh bien finalement, les communes, ce qu'elles ont à leur disposition, c'est le cadastre. Et donc, une entité cadastrale, par exemple, quand on a une maison sur une parcelle, eh bien, on va considérer que c'est une zone artificialisée. Même si cette maison, eh bien, sur une parcelle de 1000 m², il y a une maison qui a une emprise de 200 m² et puis un jardin de 800 m². Donc ça, c'est vu comme un espace artificialisé au sens des politiques. Ça n'est pas une surface artificialisée au sens naturel, puisqu'on a quand même 800 m² de jardin pour 200 m² d'habitation. Mais comme on considère que cette surface est artificialisée, on n'a pas d'outils législatifs pour imaginer qu'on n'irait pas recouvrir ensuite ce jardin. Je prends un exemple, il y a des tas de situations en bordure des villes où des habitants sont tentés, pour des raisons que l'on peut comprendre, de couper leur propriété en deux et puis de vendre une moitié de leur jardin pour qu'on construise un nouveau bâtiment. Et donc ça, finalement, ça se voit pas, entre guillemets, puisque c'était déjà considéré comme artificialisé. Mais par contre, sur le plan écologique, la conséquence est fondamentale, puisque là, on a réellement imperméabilisé de plus. Ça, c'est le premier point qui me fait réagir. Et puis, je voulais rebondir sur le propos de Marc-André, sur le fait qu'il faudrait s'intéresser aux services. Et puis, il ne faut pas regarder le sol que comme une surface. Ça, c'est un point très, très important. Les sols, ce sont des objets qui font entre une petite dizaine de centimètres quand on est en montagne et qu'on a un sol très fin, jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, 3 mètres. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte la totalité de ce que peut faire un sol et d'inscrire notre réflexion sur les sols, sur toute leur profondeur. Et donc, on a évoqué depuis le début de cette émission un certain nombre de fonctions écologiques que remplissent les sols. Mais, comme l'a dit Marc-André, par exemple, un sol sableux, ça va pas forcément stocker beaucoup d'eau. Les sols remplissent tous les fonctions, mais ils les remplissent à des degrés divers. Et donc, un des enjeux, ça peut être d'imaginer, localiser. Alors, je partage absolument et définitivement le propos de Marc-André, qui est de dire que le mieux, ça serait peut-être de ne pas artificialiser. Mais si on doit le faire, d'aller localiser les zones d'artificialisation au regard des fonctions qu'on attend du sol. Alors, quelles sont une virgule qui part toute seule. Mais voilà, quelles sont les limites de cet article de la loi ZAN ? On y vient à l'instant. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h48 sur France Culture avec Isabelle Cousin, Marc-André Sellos, Béatrice Béchet. Nous parlons de la protection des sols. Comment les protéger? Quelles sont les mesures politiques prises pour leur protection? On l'a dit, il y a cette loi ZAN qui vise à réduire de 50% l'artificialisation des sols par rapport au niveau de la décennie 2011-2021 pour la décennie 2021-2031 et à l'horizon 2050, l'absence de nouvelle artificialisation non compensée. Et c'est donc cette ZAN, c'est ce net qui interpelle Marc-André Sellos. Bah oui, alors ça interpelle évidemment les élus locaux dans le mode de développement. L'espoir de développement, c'est la zone industrielle, la banlieue pavillonnaire. Et effectivement, ça, c'est des choses qui sont très consommatrices de sol. Et c'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, la consommation de sol, l'artificialisation, c'est complètement déconnecté de la démographie. On a un vrai problème de mode de développement pour les communes et pour les élus locaux, qui fait que d'ailleurs, ils font remonter par le Sénat, qui est un petit peu la chambre sur laquelle ils ont un levier d'action, tout un tas de pressions qui ont abouti à ce que les sénateurs, d'abord des fourrailles, il faut le dire, dans la presse, avec plus de facilité pour accéder aux pages générales que les scientifiques, donc ils défouraillent sur cette loi. Bon, mais il y a un vrai problème à gérer derrière ce développement économique. Et aussi qu'ils aient mis en place tout un arsenal complémentaire législatif qui est en train de dévitaliser le zéro artificialisation nette. D'autant plus que le zéro artificialisation nette, déjà, je le mentionnais tout à l'heure, ne contre pas les grandes infrastructures d'intérêt national, ni, et c'est là qu'on voit un peu d'ailleurs quels sont les débiteurs du soir, ni les plateformes logistiques. Et moi, je trouve ça inquiétant parce que nous en sommes à deux tribunes avec des collègues pédologues pour essayer, dans Le Monde et dans Libé, de dénoncer, enfin, plus exactement, de faire comprendre les enjeux du ZAN. Bon, on passe tout le temps, nous, dans Le Monde ou dans le Libé en ligne. On n'arrive pas à atteindre les pages papier. Mais dans les pages papier, on voit très, très souvent l'écho du politique qui se plaint. La plainte du politique doit être entendue, hein, parce que quelque part, c'est vraiment qu'on est accro à ça et que, bah, voilà, quand vous avez quelqu'un qui est accro à la cocaïne, c'est dur d'en sortir. Mais l'espoir est d'en sortir, parce qu'on ne vit pas avec la cocaïne. Et ce pays ne vivra pas avec une artificialisation qui prive de terres agricoles ses enfants dans un contexte où le changement climatique est en train de réduire la productivité. Béatrice Bécher, cette logique de ZAN, c'est en construisant un hectare de parking, on peut maintenir une artificialisation nette nulle si on désartificialise un hectare de parking ailleurs. C'est le principe d'interchangeabilité des surfaces artificialisées. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que la compensation par la désartificialisation... Ah, je ne vais pas y arriver. La désertification. Est-ce que tout ça, c'est un faux calcul? Je pense que oui, on peut considérer ça comme ça. Alors, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que les aménageurs doivent s'appuyer sur la doctrine éviter, réduire, compenser. Donc, quand on dit je fais un nouveau parking là, mais je vais en supprimer un ailleurs, en fait, on est sur le compenser. Or, de par les propriétés du sol, leur fonction et surtout le temps qu'un sol met pour se former, quand on a artificialisé un sol, c'est fini, on ne le récupère plus dans son état. Donc il faut absolument commencer par regarder le éviter. Alors, peut-on désperméliser ou désartificialiser? Il y a des travaux en effet qui vont dans ce sens-là, hein, qui regardent notamment les travaux dans le domaine du pédologie, ou prenant des sols qui sont dégradés, voir comment on peut lui rendre un certain nombre de fonctions. Donc, par exemple, les sols qui ont subi des tâches, pouvoir les détasser, les aérer, rajouter éventuellement du compost, du sable. Voilà, essayer de rendre des propriétés à un sol qui n'en a plus et qui en a perdu ou qui en a perdu une grande partie. Donc il y a des choses qui sont possibles, mais ce qu'on doit faire passer, c'est que il faut se baser d'abord sur le éviter. Donc avec le difficile engagement des collectivités, comme disait Marc-André, entre l'économique, l'écologique et le social. Il faut savoir qu'un sol ne retrouve pas toutes ses fonctions et qu'il faut compter pour un sol sain de 1 cm pour se reformer, il faut à peu près 1000 ans. Voilà, donc l'artificialisation des sols, c'est une opération qui est donc presque irréversible. Merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure et de nous avoir fait prendre conscience de cette protection, que c'est une autre façon de lutter contre le réchauffement climatique. Il est temps à présent de retrouver Étienne Klein et sa chronique « Le pourquoi du comment ». Pourquoi notre sensibilité au risque a évolué? La notion de risque est apparue dans l'esprit collectif lors de l'émergence de la société industrielle. Depuis, notre sensibilité au risque, du moins à ceux dont nous avons conscience, a éminemment varié. Un fait suffit à comprendre l'ampleur du changement. Le 8 mai 1842 se produisit à Meudon la première grande catastrophe ferroviaire en France. Un train allant de Versailles à Paris dérailla dans cette commune. Le bilan fut terrible. Officiellement 55 morts, sans doute beaucoup plus en réalité, dont l'explorateur Jules Dumont-d'Urville et sa famille, et plus de 150 blessés. Un débat s'empara aussitôt de la presse à propos des risques engendrés par ce nouveau mode de locomotion qu'était le chemin de fer. Pour le journal des débats politiques et littéraires, le drame de Meudon était, je cite, « l'un de ces accidents exceptionnels, inouïs, mais dont les populations ne devraient pas s'effrayer outre mesure, puisque le progrès technique et des précautions supplémentaires devraient permettre de les éviter ». Fin de citation. Partageant la même foi dans le progrès, le journal de Rouen se fit lui aussi rassurant. « Le malheur de Meudon, écrit-il, quelque intense et considérable qu'il soit, ne peut et ne doit pas dégoûter des chemins de fer. Il fera prendre plus de précautions et l'on déduira d'importants enseignements des circonstances même de la catastrophe. » Fin de citation. Quant à Lamartine, alors député, il termina son discours du 11 mai 1842 à la Chambre par ces mots. Quelque profonde que soit la sympathie de la Chambre pour cette triste catastrophe, elle ne doit pas se décourager ni laisser décourager le pays. La civilisation a aussi ses champs de bataille. Il faut que des hommes y tombent pour faire avancer les autres. Fin de citation. Et plus tard, en évoquant les victimes de la tragédie, il conclut ainsi « Plaignons-les, plaignons-nous, mais marchons. » Fin de citation. En somme, l'idée de progrès était alors considérée comme à la fois consolante et sacrificielle, ainsi qu'Emmanuel Kant l'avait déjà noté dans son ouvrage « Qu'est-ce que les Lumières ?» Elle aide à supporter les malheurs du présent en annonçant pour nos enfants un futur meilleur. Mais telle une omelette, elle réclame qu'en son nom, on casse des œufs. On imagine mal aujourd'hui un représentant du peuple, soucieux d'être réélu, tenir pareil propos après une catastrophe d'ampleur équivalente ou même bien moindre. Car notre rapport au risque s'est complètement inversé. Il n'est plus perçu comme le prix à payer pour faire advenir le mieux, mais plutôt comme le symptôme d'un dérèglement général à corriger, voire comme l'annonce tangible des apocalypses futures. Il faut dire que l'avenir se dit désormais dans les mots les plus sombres, au point que d'aucuns se prennent à rêver que nous avancions vers l'arrière. L'idée même de progrès a pris du plomb dans l'aile, comme si l'humanité se considérait désormais en route, ou plutôt en déroute pour l'abîme. Il suffit de faire les comptes. Le mot « progrès » a quasiment disparu des discours publics, remplacé par le mot « innovation ». Deux synonymes, pourrait-on objecter, erreur. Car à y regarder de plus près, on constate que les discours sur l'innovation se détournent radicalement de la rhétorique du progrès. Il faut innover à tout prix, nous dit-on, non pour inventer un autre monde, ce qui serait un objectif exaltant, mais pour empêcher le délitement de l'actuel, ce qui est nettement moins grisant. Comme si nous étions devenus incapables d'expliciter un dessein commun à la fois attractif et crédible. Crédible, il n'est pas attractif. Attractif, il n'est pas crédible. D'autant que les vérités des sciences ne nous consolent plus, apportant elles aussi leur lot de mauvaises nouvelles, notamment à propos du climat et de l'environnement, elles nous désenchantent plutôt ou bien nous inquiètent. Dans un tel contexte, l'idée même de risque devient plus difficilement acceptable, dès lors que nulle philosophie de l'histoire ne vient plus la justifier ou lui donner un sens. Notre société en est ainsi venue à vouloir réduire autant que faire se peut les risques qui y sont encourus. Mais cette recherche d'un accroissement permanent de la sécurité implique des innovations qui elles-mêmes induisent de nouveaux risques, engendrant ainsi une dynamique sans fin. Ce qui n'empêchera pas cette chronique d'en avoir une de fin. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous d'être à l'écoute. Cette émission n'existerait pas sans les efforts d'Antoine Beauchamp, de Noémie Naguet, de Saint-Vulfran, de Nafi Terrasse, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon.